Bienvenue à Stockholm, bienvenue Senimon Gaba, écrivain et éditeur, mais j'aimerais bien bienvenue que vous expliquiez déjà votre nom. Merci Françoise. Je m'appelle Bienvenue, c'est Senimon Gaba. Bienvenue, c'est parce que je suis cinquième d'une famille. J'ai quatre grandes sœurs. Et quand je suis né, comme le garçon, mes sœurs m'ont appelé Bienvenue. Donc le prénom de Bienvenue a été donné par mes sœurs et non pas par mes parents. Voilà. Et Séné, c'est le nom de mon papa, qui signifie un couteau qu'on utilise pour extraire le vin des palmes. Mon Gaba, je ne me rappelle plus parce que c'est le nom du papa de ma maman. Et je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander ce que ça signifiait avant qu'il meure. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à circuler, à chercher. Je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce que ça signifiait. Voilà. Et j'ai cinq petites sœurs et un frère. Donc, je suis né dans une petite famille de 11 enfants. Ce qui veut dire que votre sœur n'a pas le nom de... n'a pas Mongaba comme nom. Non. Donc, Séné, c'est le nom de mon papa. Mais mes sœurs, chacun, ils s'appellent Séné Nzale, Séné Mwele, Ngani, Biemé, Nta. Chacun a son nom. Parce que la notion du nom de famille, on l'a pas. Nous, un parent donne le nom à son fils ou à sa fille, le nom d'une personne que lui, il veut honorer. Donc, la personne peut être de sa famille ou pas, il donne le nom. Mais avec les contacts avec l'Europe, avec la Belgique, le système de noms de famille est arrivé. Ça fait qu'on a un système un peu intermédiaire où les enfants, ils ont le nom du papa, mais on leur ajoute un deuxième nom de la personne que les parents veulent honorer et le prénom. Et actuellement, souvent, les prénoms sont fabriqués aussi sur base des significations. Par exemple, actuellement, comme il y a trop de mouvements religieux au Congo, donc on donne des prénoms, don de la vie, gloire à Dieu, chance de la vie, merci Seigneur, la douce, des choses comme ça. Voilà. Merci. Donc, bienvenue Séné Mongaba, est originaire du Congo Kinshasa. Et Christophe, à toi, je te passe la parole maintenant. Donc, merci, bienvenue de nous accorder cet entretien à l'Institut français de Stockholm, suite à votre séjour à Göteborg dans le cadre du Salon du Livre. Et j'aimerais vous interroger par rapport à cette question de la langue, de la francophonie, parce que c'est quelque chose qui vous est cher. Et comment est-ce que vous interprétez, vous, la francophonie? Est-ce qu'il y a un lien entre une langue imposée, une langue d'oppression, un passage à une langue de libération, ou vous la voyez, comment vous la voyez, cette francophonie? Avant que je commence à m'y pencher, moi, sur la question de la langue, la francophonie, c'était un ensemble de pays qui parlent français. Mais seulement, en observant de près, c'est l'ensemble des pays qui parlent français et des pays qui ont le français comme langue officielle. Donc, c'est un peu cette différence que j'ai faite. Ça veut dire que si on a des pays comme la France, la Belgique, le Canada ou la Suisse, là, on a des pays francophones au vrai sens du mot. Ça veut dire des gens dont la langue maternelle est le français. Et nous avons le pays africain qui utilise le français comme langue officielle et langue d'enseignement. Et c'est là où ça se situe, là, du Congo. Donc, la francophonie, c'est cet ensemble-là. Donc, on doit tenir compte du fait que, par exemple, on dit les Congo, c'est le deuxième pays francophone. Tu vois, dire ça comme ça, c'est rendre un mauvais service aux Français, à la langue française. Hein? C'est mentir la langue française. Hein? Pourquoi? Parce que si les 60 à 65 millions de Congolais, des Congolais de Kinshasa qui parlent français, il n'y en a pas un million. Hein? Vous comprenez? Il n'y en a pas un million. Parce que pour parler français, il faut aller à l'école. Et maintenant, avec la structure, l'évolution socio-économique qui fait qu'il y a de moins en moins de moyens mis pour financer l'école, le niveau de l'école a baissé. Donc, avec le niveau du français aussi a baissé. C'est pour ça que je sais que dans le, moi, je vois l'avenir, ça c'est ma lecture, hein, de la francophonie, où on a la francophonie d'abord des pays francophones, comme j'ai cité les quatre pays là, plus ce que j'appellerais la francophilie. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont le français et qu'on devrait mettre en place un système qui permet aux gens qui parlent le français dans ces pays-là de revenir au français de la façon, comme on dit, de liberté, ça veut dire des choix. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'avec toute cette base du français qui existe déjà, si on enseigne le français en tant que langue et que le français n'est plus utilisé comme langue d'enseignement. Parce que si vous prenez par exemple le Congo Kinshasa, dès que l'enfant entre en sixième en première année primaire, au début de la primaire, il commence avec le français. Il y a une coupure parce qu'à la maison, il parle Lingala ou Kiswahili ou Chiluba ou Kikongo. Il entre en primaire, paf, il apprend à écrire la lettre. Il apprend A, B, C directement en français. Donc, quand un enfant dit papa est malade et qu'il voit EST, même pour le plus petit français, c'est déjà compliqué, EST, et un enfant de Kinshasa qui ne sait pas faire la différence parce qu'en Lingala, il n'y a pas les sons E et E, nous avons seulement E, nous n'avons pas E. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui commence à apprendre à écrire, ça fait la confusion. Alors que si cet enfant a le temps d'apprendre la langue et toutes les choses de l'école de manière structurée dans sa langue, quand on lui enseigne, même en primaire, hein, ça veut dire comme on enseigne les langues étrangères, un enfant qui commence là, on commence à lui enseigner les chansons en français ou des phrases sans qu'il s'occupe d'abord de comment écrire, hein, et petit à petit, quand il arrive en secondaire, à ce moment-là, il a la structure de sa langue maternelle avec l'école et le français. C'est comme ça que nous, on a appris l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais en troisième secondaire, troisième, quatrième, cinquième, sixième secondaire, dans les quatre dernières années du secondaire. Mais bon, on se débrouille pas mal avec ça. Donc, si le français, on l'enseignait de manière renforcée depuis l'école primaire, mais en tant que cours, et ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, la question de la francophonie, ça, c'est l'aspect langue pour la francophonie. Donc, on a le français. Et ça aussi, il y a quelque chose qui m'a toujours tiqué. Le problème du français, c'est que Paris impose beaucoup. Quand je dis Paris, ça veut dire qu'on voit l'anglais. Hein. Chacun, il développe son anglais dans son coin et il le possède comme le sien. Mais le français, c'est comme si nous tous, nous devons dépendre de la Sorbonne. Hein? Pour parler français, vous devez, c'est comme s'il y a un français référence, et si tu n'es pas dans cette référence, tu ne parles pas français. Alors que bon, le français que nous parlons au Congo ou en Abidjan ou tout ça, doit se reconnaître en tant que français. Dans toutes ces... Voilà un peu, c'est un peu pris en brouillon, mais c'est un peu comme ça que je pense par rapport à la francophonie. Moi, ça m'intéresse hein, ce que vous me dites, là, puisque dans mes missions, je suis attaché de coopération pour le français. Ouais. On voit que la langue, c'est une politique. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de promouvoir le français. C'est très bien que stratégiquement, la francophonie rentre dans cette question de promotion du français, ou même le multilinguisme à une échelle plus globale. Et là, en vous entendant, on pense tout de suite, est-ce que le fait de rendre le français langue obligatoire ou à la limite une autre langue étrangère, est-ce que c'est rendre service à la langue ou au contraire contribuer finalement à la rendre extérieure aux intérêts des jeunes? Et ça, c'est une question d'autant plus importante que dans nos tâches, dans la promotion du français, effectivement, les gens se plaignent du fait que le français ne soit plus une langue étrangère obligatoire en Suède, par exemple, comme ça l'était il y a des décennies. Mais oui, je crois que ça peut paraître contradictoire, mais je crois que le fait d'avoir, par exemple, au Congo Kinshasa, imposé le français comme langue d'enseignement a contribué non seulement à rendre inutile l'école, mais aussi à desservir le français. Pourquoi? Parce qu'au même moment, la réalité est que cet enfant-là, il parle une autre langue chez lui. C'est ça la réalité, indépendamment des aspects politiques ou ou administrative, la réalité du terrain fait que cet enfant, chez lui, il parle le lingala. Au même moment où il apprend les maths, et Dieu sait que les maths, ce n'est pas de la tarte. Donc, le même moment où il apprend les maths, il apprend aussi le français. Donc, il doit d'abord comprendre le français pour comprendre les mathématiques. Ce qui fait que c'est dur, et à la fin, il dit, ah, par exemple, à Kinshasa, on dit, ah, on a un délai. Hein? Français, on a besoin. Quand quelqu'un arrive au fond, il te dit, français, ce n'est pas notre langue. Quand il rejette là, c'est parce qu'on lui a trop demandé à la fois. Il avait les mathématiques à résoudre, une équation mathématique, et à l'expliquer en français. Hein? Ouais. Donc, moi, je crois que la promotion du français, si on doit faire la promotion du français, on devrait rendre, comme je parlais de la francophilie, c'est-à-dire des francophiles, des gens qui aiment le français. Rendre le français quelque chose qu'on aime. Ça, c'est le premier aspect des choses. Ça veut dire que si les Congolais, même tous, hein, il n'y a pas d'exception, il fait son école normale dans sa langue, en Kikongo, en Tshiluba, ou en Kiswahili, ou en Lingala. Mais il a un cours de français. Alors, à ce moment-là, il apprend le français. Et il a le sentiment, des fiertés. Pourquoi? Parce que il se rend compte qu'en plus de sa langue, il vient d'ajouter une autre langue. Et cette langue qu'il vient d'ajouter, qui est le français, lui permet d'être en contact avec la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Là, la personne voit clairement en quoi cette langue lui est utile. Et il se sent dans cette communauté parce que l'histoire, on ne l'efface pas. Il y a cette communauté historique entre ces pays francophones d'Afrique et les pays francophones d'Europe. Donc, en plus de cette socle commun historique, donc la personne apprend encore plus les français. Et là, tu verras même aujourd'hui, moi je vous dis, les gens ne sont pas francophobes. Hein? Tu arrives à Kinshasa, quand j'ai dit que le français fout le camp, tous les parents souhaitent qu'on enseigne leurs enfants en français. Et si même tu proposes aux parents de Kinshasa d'enseigner leurs enfants en lingala, ils s'opposent. Donc les parents, ils veulent que leurs enfants apprennent en français. Donc, ça veut dire que les gens ont cette disposition à apprendre. Mais la réalité fait que apprendre le français dans cette pédagogie-là, cette didactique-là qu'on utilise, elle n'est pas la bonne. C'est ça, c'est ce que je dis, que cette didactique-là ne sert pas le français et ne sert pas aussi. Parce que l'anglais aujourd'hui prend la force aussi. Il y a la force économique. Hein. Ça aussi, il ne faut pas qu'on oublie. Il y a la force économique. Vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie. Hein. Donc, ce sont le Canada. Donc, quand tu prends les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, vous avez une puissance économique réelle. Donc, même si nous n'aimons, même si quelqu'un n'a pas envie d'apprendre l'anglais, il est obligé parce que ça, c'est la réalité économique. Ce qui fait que, ça, c'est l'autre chose, peut-être ça va vous gêner, hein, mais que je dois dire, on ne peut pas fabriquer une francophonie forte avec des pays pauvres. Et ça, c'est la réalité, le triste avenir du français. Il a des partenaires faibles. Donc, ça veut dire qu'en croyant servir la francophonie, en développant ou en soutenant la pauvreté ou tout ce qu'on soutient en Afrique, hein, on soutient un kyriel des partenaires faibles. Et avec des partenaires faibles, on ne peut pas faire face à un groupe de partenaires forts. Donc, c'est ça la réalité. Donc, en face de la France, nous avons quoi? Nous avons les États-Unis. En face du Canada, nous avons la Grande-Bretagne. En face de la Suisse, nous avons l'Australie. En face de la Belgique, nous avons la Nouvelle-Zélande. Et bon, les Nigeria, quand vous ajoutez les Nigeria, vous ajoutez la Zambie, toute la force anglaise et l'anglais sur qui vous avez des pays comme la Suède. Ah, c'est un pays du côté anglais, hein, parce que vous voyez la réalité. C'est ça aussi, ce sont des choses qu'il faudrait tenir compte, parce qu'il ne faudrait pas se tromper à soi-même. À force de vouloir aimer soi-même, moi j'écoute beaucoup les émissions françaises et tu vois les gens qui sont tellement nostalgiques de l'époque où, jusqu'en Russie, dans les cours russes, et, hein, dans les cours royaux, on apprenait le français et qu'est-ce qui est devenu. On me racontait même une blague, un Français qui arrive en Bulgarie, qui demande une bière, on ne lui sert pas. Il demande une deuxième fois, on ne lui sert pas. Et puis il s'étonne, il dit, mais je parle français, non? Comme si, naturellement, un Bulgare devait comprendre le français. Donc, ça veut dire quoi? Nous, si nous voulons promouvoir le français, nous devons tenir compte et des aspects culturels, et des aspects économiques, et des aspects politiques. Donc, dans l'aspect politique et économique, on doit avoir des partenaires économiquement viables. Aujourd'hui, le Congo-Kinshasa aurait été un grand partenaire de la francophonie. Hein? Parce qu'on a 60 millions d'habitants. Et le pays est riche et tout ça. Si ces pays-là avaient une école en place, une école soutenue, une école bien en place, on formait des cadres compétents. Donc, on aurait affaire à quoi? 2 millions, 3 millions, 5 millions d'universitaires fort compétents qui parlent français. Hein? Ben, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis que le français fout le camp, parce que même quand vous parlez aujourd'hui avec des universitaires congolais, je suis universitaire congolais, je ne m'exprime pas, mais de la génération du chaos, je vais en parler un peu par la suite, il n'y a pas le français. Vous ne sentez pas le français. Vous pouvez bien discuter avec lui à Lingala, parce qu'il y a même maintenant des enfants, il suit les cours en français à l'école, comme il n'a pas compris les cours des maths à l'école. Il sort, il va dans la cité, payer un gars du quartier qui lui explique le même cours en lingala. Et ça, c'est la réalité. Je viens de Kinshasa et j'ai eu un colloque avec des enseignants de chimie qui me l'ont dit. Donc, c'est maintenant la pratique. C'est devenu tellement difficile pour eux de suivre en français qu'ils sortent dehors. Donc, vous voyez, c'est que j'ai dit que d'un côté, les gens ne sont pas francophobes. Ce n'est pas par anticolonialisme ou vouloir faire table des rases du passé qu'ils refusent de manière consciente le français, mais c'est la réalité fait que l'école n'est plus à mesure de leur fournir ces français-là qu'il peut, et bon, même à la télé, les journalistes, comme ils sont maintenant de la génération du chaos, ils parlent plus français. Vous avez quelques journalistes qui parlent français dans les télévisions congolaises. Donc, plus de 70-70% des émissions de la télévision congolaise, c'est en lingala. Donc, vous imaginez, l'Internet n'est pas très fort. C'est la télévision qui est très forte en moyen de communication et la radio. Et c'est plus de 70%, c'est en lingala. Donc, même de ce côté-là, on voit ici comme en Suède, la télévision, c'est anglais. Hein? Donc, ça veut dire, si on avait des choses intéressantes, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas affubler des gens des choses qu'ils ne vont pas regarder. Si on avait des choses intéressantes à la télévision, qui est du français, mais qui montre, qui enrichit les gens. Hein? Moi, je ne fais pas la publicité, mais je suis en Belgique, je vois toujours une émission là, c'est pas sorcier. Tu vois, c'est ce genre d'émission là. Si un enfant à Kinshasa ou à Bamako regarde ça, ça veut dire qu'il apprend la science. Et à côté de ça, ils maîtrisent le français. Mais bon, moi je vois les émissions, je n'ai rien contre. Hein, mais bon, je vois TV5 on passe Michel Tulquet pendant tout le temps. Michel Tulquet qui raconte l'histoire du quartier avec le français à Kinshasa. Moi, quand j'étais à Kinshasa, je ne comprenais rien de ce qu'il a. Hein? On ne comprend rien de ce qu'il a. Vous voyez? Et pourtant, c'est une émission de grande audience en Europe. C'est en arrivant en Europe que... Mais nous, on se dit, mais qu'est-ce que ces blancs-là, ils font là entre des... papoter entre eux, hein, entre eux. Parce que, alors qu'il y a des matières qu'on peut parler en français que nous partageons tous. Là, je dis comme c'est pas sorcier. Ben, un enfant qui voit l'hydrogène ou voit comment on traite l'eau, ça, il se rend même pas compte que le type qui est en train de parler est français. Hein? Alors que quand je regarde les émissions du dimanche, là, on sait que ce sont les Français qui parlent. Ça, il faut un peu... tenir compte de ça. Tu parlais de génération de colonisés, de d'équité, oui. et du chaos. Tu voudrais préciser un petit peu? Oui, je disais que l'Afrique, D'abord, on était dans la société africaine, et puis il y a eu l'arrivée des Européens, et puis il y a eu l'occupation européenne. Donc l'Europe a occupé l'Afrique, et puis en 1885, quand les conflits étaient suffisamment graves entre eux, ils ont eu l'idée de se mettre à table, et à Berlin, en 1885, ils se sont partagés l'Afrique. Et ça a pris plus de 80 ans avant que les Africains se mettent à vouloir récupérer leur indépendance. Ce qui fait qu'on a cette génération-là de la fin du XVIIIe siècle qui a fait tout le XXe siècle, cette génération-là des colonisés. Et ces gens-là ont été, parce que la colonisation a quelque chose de pire, hein, c'est qu'il a expliqué aux Africains que leur culture était mauvaise, primitive, diabolique, et qu'il fallait prendre la culture occidentale, développée, bonne et chrétienne, ça veut dire approuvée par Dieu. Donc, ce travail des sapes a beaucoup influencé la psychologie et le mental du colonisé. Ce qui fait que le colonisé instruit a été instruit dans la logique qu'il devait s'élever au-dessus de sa société pour atteindre la société européenne. Ce qui fait que quand il se mettait à parler français, il se considérait comme quelqu'un de très intelligent, de très important, et sa société qui ne parlait pas français, c'était des primitifs, des sauvages, des trop bas. Donc parler français, c'était comme une élévation dans la société, même dans la psychologie, même dans la façon. Ça veut dire que tu étais en train de quitter ta société qui était primitif pour atteindre la société occidentale qui était raffinée. Ça, c'était les. Et en Belgique, au Congo, on avait ce qu'on appelait les évolués. Donc, les évolués, on leur donnait une carte à la fin. Ça veut dire que l'administration coloniale trouvait que tu méritais d'être appelé évolué. Pourquoi? Parce que tu parlais français, tu mangeais comme un blanc, tu n'épousais pas deux femmes. Hein, parce qu'on interdisait la polygamie et tu portais la cravate, tu mangeais à 12h30 sur la table, à table. Il y avait un inspecteur parce que tu avais soumis ta candidature pour devenir évolué et tu avais des contrôles de temps en temps pour vérifier que tu avais vraiment atteint le niveau d'évolué, que tu commençais vraiment à vivre comme un blanc. Alors, à ce moment-là, tu avais ta carte que beaucoup ont cherché, ont trouvé. Vous voyez, dans cet aspect-là, ce sont ces gens-là qui ont, à un moment donné, la guerre mondiale est arrivée, certains militaires sont allés combattre aux côtés des colons, puis ils se sont rendus compte que même ces colons-là, ils ont peur. Quand une balle crépite, même le petit blanc à côté, il pleure aussi. Donc, ce n'est qu'un humain, ce n'est pas... Et au retour, c'est les velléités de l'indépendance ont commencé. Donc, ce sont les mêmes évolués qui se sont battus pour nous donner l'indépendance. Mais, comme c'était des combats qu'ils ont fait de leur vie, donc, pour eux, même au moment où on est devenu indépendant, pour vraiment asseoir notre indépendance, il fallait que nous nous élevions tous au rang des Blancs. Donc, il fallait qu'on nous forme, nous, tout le monde, à faire l'école dans la langue des Blancs, à manger comme des blancs, à aimer comme des blancs, parce que dans leur tête, c'était ça, s'élever dans la société. Et cette génération, quand il y a eu les indépendances, s'est mutée, ceux qui ont pris le pouvoir sont devenus des dictateurs. Hein, voilà. Parce qu'en fait, ils ont remplacé les colonisateurs. Les colonisateurs ne faisaient pas la démocratie. Donc, et ils ont seulement suivi comment les colonisateurs faisaient, et ils sont devenus des dictateurs. Et nous, nous sommes nés dans cette génération des dictateurs. Donc nous sommes des dictés. On nous a appris à nous taire, hein, à ne pas dire à haute voix ce qu'on pense, et que si jamais je disais quand même à haute voix ce que je pensais, et que le nez ou le chef n'était pas d'accord, c'était sans surprise que j'aurais une baffe, une gifle, une punition. Donc on a été élevé dans cette... Je me rappelle même, ma mère m'interdisait même de m'opposer, de dire des choses contre Mobutu, même là, dans la maison. Hein, il n'y a personne, mais... Tikolo Babou, hein, c'est des petits comme ça. Tu vois? Et nous, on a grandi dans cette génération des dictées. Et à un moment donné, ça a été le comble. On a trouvé que ça n'allait pas. Et on s'est battu. Et avec la chute du mur de Berlin aussi, c'est comme par hasard, c'est toujours Berlin. La chute du mur de Berlin a fait que la répartition géographique du monde entre le bloc communiste et le bloc capitaliste a changé. Donc les cartes en Afrique aussi ont été redistribuées. Donc à ce moment-là, nous, on s'est battu pour avoir la démocratie. Donc la plupart des dictatures de la forme de Mobutu sont tombées à ce moment-là. C'était les combats que nous, on a pu réussir. Mais nous sommes des dictées. Et nous avons ce traumatisme des dictées. Nous avons ce traumatisme des gens qui ne peuvent pas espérer qu'ils ont le droit de demander quelque chose. Donc même si nous demandons des choses, mais nous avons ce traumatisme que nous ne pouvons pas. Nous avons des limites. Donc, à la place, quand on a réussi quand même à faire tomber ces régimes de dictature, ce n'est pas directement la démocratie qui est arrivée. En fait, ce qui est arrivé, c'est ce qui est maintenant en Afrique. C'est un semblant de chaos où vous avez un dictateur qui est élu, hein, ou un démocrate qui n'est pas élu, et des partis politiques qui ont la majorité mais qui n'ont pas le gouvernement. On a tous ces mélanges-là. Et pendant ces temps-là, le peuple est très éloigné du politique, parce qu'il faut avouer quand même ça, je le disais, les puissances occidentales continuent quand même à soutenir encore les régimes politiques en Afrique. Ce qui fait que ces régimes qui sont soutenus par des puissances extérieures n'ont pas de comptes à rendre à leur peuple. Et ces jeunes gens-là, que moi j'appelle des gens qui ont 25, 15 ans aujourd'hui, la colonisation de l'histoire vraiment ancienne. Même la dictature, c'est de l'histoire qui est suffisamment ancienne. Et ils sont là, l'école est déstructurée, ils n'ont pas l'école. Comme au Congo, ils n'ont pas le français, ils n'ont pas la langue de l'école, de l'enseignement, ils n'ont plus rien. Ils sont en train de créer leur propre société. Et ça, c'est ce que j'ai dit, que c'est la génération du chaos. Et ce sont eux qui, d'ici dans 10 ou 20 ans, ils vont arriver et ils vont gérer l'Afrique avec les nouvelles règles. Complètement nouvelles. Et ils viendront... Comme on dit à Kinshasa, somme on a mototé, j'ai peur de personne. Hein? J'ai du compte à rendre à personne. Donc, ces gens-là ont besoin maintenant, soit qu'on leur donne des instruments d'instruction qu'ils n'ont pas pour le moment. Si d'ici 10 ans, on ne leur donne pas ces instruments d'instruction, ils vont créer leur propre instrument d'instruction. Hein? Que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils vont créer. Parce qu'ils ils ont besoin de ça. Parce qu'ils seront pas... De toute façon, ils seront obligés de gérer le pays. Gérer le pays, pas seulement politiquement. Ça veut dire socialement, construire, avoir des enfants, élever des enfants, faire ça. Tout ça, c'est eux. Donc, c'est cette génération du chaos qui est en train de créer la société africaine du futur. Alors, on a deux possibilités. Soit, on se positionne comme opposant. On s'oppose à eux. Soit on se positionne comme on les accompagne, on les soutient. Ça dépend. Si on s'oppose à eux, ils vont écraser. Parce que c'est ça la masse. Hein. Ils sont aujourd'hui à Kinshasa, tu as 7 millions d'habitants. Ces jeunes-là de 20 ans, 25 ans, 15 ans, ils sont énormes. Il y en a beaucoup. Ils sont dans la génération Internet. Mais comme je disais tantôt, quand ils vont dans Internet, ils ne vont pas chercher les réveils politiques. Ils vont chercher sur Internet tout ce que les jeunes du partout cherchent. La musique, les fringues, les habits, les choses comme ça. Ils vont là, dans la même communauté des jeunes avec les autres jeunes du monde, chercher les mêmes choses que les jeunes cherchent. Ce qui fait que leur construction politique, ils les font aussi bien secondairement avec tous les jeunes du monde, mais aussi avec leur système. Donc là, on ne sait pas, moi, sincèrement, j'ai dit ça, c'est la génération du chaos. J'essaie, à ma façon de contribuer, par exemple, pour l'enseignement de la chimie, à préparer des manuels en lingala. J'ai fait toujours des manuels bilingues, lingala français, en espérant qu'ils vont comprendre la chimie ou les mathématiques ou la physique dans leur langue et que pour accéder, comme on dit, à la relation avec le reste du monde, le français pourrait leur servir. Mais si ce n'est pas le français, ben ce sera l'anglais. Et même les Chinois. Parce que ça aussi, on voit, on dit, ah, mais les Chinois, ben, pendant que je vois, par exemple, nous en Belgique, une certaine catégorie de gens pointent du doigt l'arrivée des Chinois en Afrique, eh bien, bon, si on n'est pas prudent, peut-être qu'on. Voilà, c'est un peu. Je reviens sur ce que vous dites sur cette question de bilinguisme, justement, de retour au lingala, je trouve ça très intéressant. Alors, le bilinguisme, donc c'est quelque chose qui, notamment, bilinguisme à partir du français, français et langue, autre langue, avec la définition du bilinguisme dans les lignes officielles de l'éducation nationale, du ministère des Affaires étrangères, c'est. On considère une classe bilingue, justement une classe où il y a l'enseignement d'une discipline, où le français en fait sert de langue de communication. Alors, on parle de discipline non linguistique, où le français n'est pas simplement pour justement donner, intéressant, c'est donner envie aux élèves d'apprendre le français, non pas comme une langue étrangère qui serait là, mais comme une langue de communication. Alors, ce que vous dites, en fait, ça va à l'encontre de ça. Vous dites vous l'inverse, c'est-à-dire Oui. que le bilinguisme, enfin, soutenir comme ça une forme de bilinguisme, c'est au contraire déraciner encore plus des populations. Et au contraire, il faut aller chercher. Mais alors, la question, parce que là, on arrive sur la question de la politique de la langue. Voilà. La question, c'est si vous avez des minorités dans un pays, est-ce que vous allez leur dire on apprend dans la langue de la minorité, on apprend dans la langue dire fédéral, si on prend des termes un peu plus abstraits, on va prendre. Là, ça devient très compliqué Ça du point de vue devient. identitaire parce que vous avez parlé de la Suisse comme pays francophone. La Suisse, bien sûr, Je suis parti de la pas France. le français est langue officielle, mais on a beaucoup de Suisses, de la partie nord suisse en Allemagne. Le romanche est langue officielle. Je crois qu'il y a très très peu, il y a 200 000 locuteurs Qui parle qui défendent romanche. effectivement le romanche. C'est intéressant, je sais que j'ai pas assez de savoir si vraiment ils défendent une promotion. Mais voilà, comment. Là, je comprends pour la question de Lingala, hein, est-ce que par la reconstruction du Congo de Kinshasa, par la génération du chaos, il faudrait donc renforcer le Lingala ou toutes les autres langues? Mais après, il y avait aussi une question de zone d'influence. Oui, c'est ça où j'ai dit, parce que on est parfois figé dans la réflexion, hein, avant la colonisation. La répartition ethnique en Afrique, c'était différent. Hein. La question de la langue, on semble, chaque pays a ses spécificités. Et tu as des pays africains où il y a beaucoup de langues. Hein. Mais on cite justement, moi je prends l'exemple de la Suisse. Hein. Vous avez des gens comme il y a les Romanches, les Alémaniques, tous ces gens-là, ils sont dans un. Ça veut dire que c'est comme s'ils ont quatre ethnies. Hein. Vous avez les Italiens, les Allemands, les Romanches et les francophones. Hein. Ce sont ce que vous nous avez montré en français, qu'on appelle des ethnies. Hein. Même si maintenant on veut changer les choses. Non, c'est pas, c'est ça. En lingala, je n'ai pas deux mots pour appeler ça. Donc, c'est les quatre ethnies. Par exemple, en Belgique, vous avez les Flamands, les Wallons et les Allemands. C'est les trois ethnies. Et un pays comme la Belgique entre 80 fois dans le Congo. Donc, si on fait le calcul simple, ils ont trois ethnies, tu fais fois 80, ça fait 240 ethnies, c'est le nombre des ethnies qu'on a au Congo. Hein? Vous voyez? Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, ça veut dire que si on avait les Congos, c'est comme je disais, l'ancienne Union européenne avant l'entrée des 10 nouvelles nations. C'était les 12, hein? Vous voyez, les 12, vous prenez donc, ils ont plus de 12 langues. Déjà, en Union européenne, ils ont 23 langues maintenant. Hein? Donc, ce n'est pas que l'Union européenne ne fonctionne pas à cause de ça. Les sociétés vivent. C'est ça le problème. Ça veut dire que nous voulons parfois, ça c'est aussi l'erreur de certains intellectuels africains, nous voulons, nous, dans nos petits laboratoires, décider quelle langue les gens vont parler. Mais pendant que nous, on réfléchit à décider ça, là, dehors, les gens parlent leur langue sans nous demander. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est voir sur le terrain. Par exemple, j'arrive à Kinshasa, je vois les gens, ils parlent le lingala. Leur langue maternelle, c'est le lingala. Alors, je leur donne l'enseignement en lingala. J'arrive là, je vois qu'ils parlent le douala. Ce qu'on se soucie, nous, c'est que va devenir le Cameroun quand chacun va commencer à parler sa langue. Comme si c'était quelque chose. Et quel est le Cameroun maintenant? Pendant que chacun. Vous voyez, quelle est notre situation? Est-ce que les gens mangent? Parce que c'est ça. Tous les calculs là, la finalité, que quelqu'un puisse manger, bien dormir, bien étudier et tout ça. Mais pendant ces temps-là, l'Afrique, on a 2000 langues qu'on n'utilise pas. On utilise quelques 4, 5 langues. Est-ce qu'on mange? C'est pas pour ça que. En lingala, on dit est-ce que je vais te bouffer, moi? Tu vois? Donc, ça veut dire que tout ce que tu me racontes là, du moment que je n'ai pas à manger, mon fils il est malade, j'ai pas à le soigner, tous ces discours-là, mais. Or, moi je pense que l'école est la seule solution qui peut permettre à donner à des citoyens la capacité de développer leur propre bien-être. Actuellement, c'est l'école qui est capable de fournir ça, donner des compétences aux gens. Donc, dans chaque coin, ils font avec la langue qu'ils ont. Par exemple, aujourd'hui au Congo, les 4 grandes langues font un travail, c'est un phénomène sociolinguistique, tout simplement. Ça ne dépend pas des décisions politiques ou quoi. Les 4 grandes langues-là prennent de l'ampleur sur les langues minoritaires, hein, les langues ethniques. Donc, tu as toujours, au Congo, les gens sont toujours au minimum bilingues. Il a sa langue ethnique et l'une des 4 grandes langues. Donc, ça résout déjà le problème. Par contre, et oui, évidemment, moi, je propose. La francophonie à l'envers de ce qui est en place. Pourquoi? Parce que j'ai dit que cette façon de définir, c'est justement cette façon-là qui ne rend pas service à la langue française. En faisant semblant comme si ces jeunes gens-là qui viennent à l'école, leur langue c'était le français. Alors, pour enseigner, bon, ça évolue, vous évoluez avec les matières. Si quelqu'un a appris à l'école primaire suffisamment dans sa langue et qu'il a appris aussi pendant ces temps, suffisamment le français comme langue étrangère, quand tu lui enseignes après l'histoire ou la géographie pour renforcer la pratique de la langue en français, il est déjà préparé pendant 6 ou 7 ans hein, du français pour être maintenant à mesure de passer à la deuxième étape du français. Hein. Mais si dès le début, au moment où il apprend et la langue et les matières, c'est là où je dis que ça ne sert pas. Alors que si quelqu'un il a fait toute l'école primaire dans sa langue, mais il a appris le français pour le français, ça veut dire qu'il a déjà le basique de la langue pour comprendre. À ce moment-là, pour renforcer maintenant son français, à ce moment-là, on passe maintenant à choisir des cours. Hein, moi, je vois ça même ici. Hein, ma fille étudie à l'école européenne. Ils ont plusieurs langues et parfois, ils ont la matière comme l'histoire, ou la géographie en anglais. C'est un peu plus dur, mais il a déjà quand même une base d'anglais. À ce moment-là, il arrive à suivre. Et moi, je crois, sincèrement parlant, que la francophonie qui a été proposée au début, ne nous voilons pas la face, hein, c'était la francophonie des Mitterrand et des comment il s'appelle celui qui était avant Mitterrand? Jusqu'à... Hein, voilà. C'était la francophonie qui était un calcul pour comment est-ce que la France ne peut pas perdre son empire colonial ancien. C'est cette politique-là qui ne sert pas le français. De continuer à vouloir avoir ses colonies. Aujourd'hui, le français, pour être fort, a besoin de partenaires économiques, intellectuels forts. Voilà. Donc, il n'a pas besoin d'avoir des petits noirs, hein? Des petits noirs à qui il faut dire voilà comment il faut faire, voilà il faut suivre, toi tu dois imiter comment moi je suis le petit, le grand blanc. Non, si le français veut être fort, il doit créer des partenaires et Dieu sait, c'est une chance quand même d'avoir cette zone d'influence du français en Afrique, mais avoir vraiment là des gens, pas Parce que ça change quoi? Tu peux, la France peut dominer le Togo pendant 100 ans. Ça change quoi de la politique mondiale? Ça change quoi que la France soit. Ça change quelque chose quand l'Amérique domine le Royaume-Uni. Hein? Là, vous sentez que du moment que l'Amérique et le Royaume-Uni sont d'accord sur une chose, la Terre bouge. Mais si la France et le Togo sont ensemble, entre nous, si la France et le Togo sont d'accord sur quelque chose aujourd'hui, ou la France et le Congo sont d'accord, ça change quoi sur la Terre? Pourtant, les présidents s'obstinent, puisque vous avez oublié d'évoquer Jacques Chirac aussi, qu'entretenait de très bonnes relations avec le continent africain. Ah oui, non, on a traité La des. constitution du Togo, d'ailleurs, a été calquée sur la constitution parce qu'il y a la République. Voilà. Un soutien. Donc, c'est des choses qu'on trompe. On s'obstine pour rien. Et, pour tu vois, et parfois, on accuse nous autres qui proposons autre chose, mais ce sont ces gens-là qui entretiennent des petits cercles d'amis, hein, qui desserrent le français. Oui, moi, je vous dis un exemple. Sarkozy est parti au Congo l'année, je crois cette année. Au Congo, il y a un grand boulevard, le boulevard Lumumba, à deux sens, qui relie l'aéroport au centre de la ville. Le plan de Sarkozy, c'était il visite Kinshasa, après il traverse à Brazzaville. Donc, il allait venir comme ça. Il n'allait pas rentrer. Hein? Bah, la route, c'est à deux sens. Il allait venir comme ça. Il n'allait pas retourner comme ça parce qu'il allait traverser pour partir. Et, mais évidemment, on a réparé la route par où il venait, l'autre route en sens inverse. Hein? On n'a pas réparé. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Quand lui va partir, il n'est ami que à celui qu'il a invité. Donc, ça n'a rien résolu entre la France, les Français. À part une route. Oui. Comme Kourou, quoi, avec Ça énerve déjà les gens qu'on a réparé cette route pour. Non. Ce qui est pire dans ça, c'est que ça énerve les gens parce qu'on sait qu'on a réparé cette route pour que Sarkozy passe. Et là où nous, on doit passer, on ne l'a pas réparé. Donc ça énerve encore. Donc au lieu que ça contribue à tisser des relations entre les Français et les Congolais, non, ça sert juste à tisser des relations entre. Vous voyez des choses comme ça. Donc la francophonie, comme je disais, gagne beaucoup en réversant. Là, parce que, bon. Je ne parle pas aussi, entre nous soit dit, comme un charlatan ou quelqu'un de la rue. Hein? Je suis professeur hein? Je suis professeur d'école, j'ai appris la pédagogie, la didactique, et je suis quand même, depuis un bon moment, chercheur, hein, dans cette matière de la didactique. Donc, ce n'est pas un vœu pieux ou un souhait d'un révolutionnaire. Hein? Congolais, non, c'est un avis d'un scientifique qui a observé. J'ai observé la société et j'ai vu que cette façon ne donne pas. Et là, j'ai fait une semaine ici en Suède, je me suis dit, voilà l'exemple qui me manquait dans mon argumentation. Hein? En arrivant en Suède, j'ai vu que les Suédois, ils apprennent en suédois et ils ont un cours d'anglais. Renforcé. Quand je dis renforcé, ce n'est même pas grave. J'ai demandé aux enfants aujourd'hui, c'est 3 heures par semaine qu'ils ont l'anglais. Mais ils ont la télévision en anglais, ils ont des livres en anglais, ils ont toute cette. Et aujourd'hui, depuis que je suis là, tous les Suédois que j'ai rencontrés, je parle avec un anglais. Donc ils savent parler anglais. Donc et aujourd'hui, les Suédois, ils ont un certain amour envers l'anglais. Tu le vois même quand ils parlent que. Hein? Ils ont quelque chose, ils possèdent ça. Et ils sont fiers de posséder ça, de pouvoir communiquer avec les autres en anglais et tout ça. Donc, ça veut dire que là, ils ont une ouverture au monde. Par contre, pour fabriquer les Ericsson et Ikea, ils font ça en suédois. Hein? Voilà, ça c'est l'autre aspect des choses où je disais, parce qu'on utilise parfois l'argument d'ouverture au monde pour enseigner le français comme langue d'enseignement. Je crois que l'ouverture au monde, c'est par rapport à la compétence qu'on s'ouvre au monde, et pas par rapport à la langue que tu parles. Un bon petit voyou américain, il peut beau parler l'anglais, quand il sait rien faire, partout sur la terre, on va rien, on saura rien faire avec lui. Hein? Mais un maçon bulgare qui sait bâtir des maisons avec son bulgare, il peut construire même des. Il y a même les plombiers polonais qui. Hein? Donc ça veut dire que qui a fait couler tant d'encre en France, et les Polonais là qui venaient, ils savaient réparer les tuyauteries et ils ne savaient pas parler français. Et pourtant, ils travaillent en France comme plombier. Hein? Donc il a l'ouverture. Et ça, c'est aujourd'hui beaucoup de Chinois, la plupart des routes en Afrique, ce sont les Chinois qui les construisent. Hein? Mais les Chinois, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Les Chinois, tu les rencontres, ils parlent chinois. Et il y a maintenant des Chinois qui passent du chinois au Lingala, à Kinshasa. Il vient, il sait construire des routes. C'est ça ce qui fait qu'il a l'accès, l'ouverture au monde. On l'appelle partout au monde parce qu'il sait construire des routes. Et dans la francophonie, comme je disais, c'est par rapport à ça. Si on augmente nos compétences économiques, scientifiques et tout ça, alors à ce moment-là, on va faire appel à nous dans les mondes du français, pas parce que nous parlons français, mais parce que nous savons faire des choses. Et, chemin faisant, comme nous venons avec notre français, ils découvrent le français. Les Chinois, aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des gens qui savent déjà dire comment on dit bonjour, comment on dit comment ça va en chinois. Hein? Mais les Chinois ne sont pas venus enseigner les Chinois, ils sont venus construire des routes. Donc, l'ouverture au monde, ce qui freine aujourd'hui, par exemple, l'Afrique, ce n'est pas le fait de parler français, mais c'est le fait de manquer de compétences. Ça veut dire que si on a des ingénieurs africains qui savent construire des routes africaines, ou comme ça, comme on disait l'immigration choisie, vous pouvez bien vouloir, on ne sait pas vous fournir ce que vous voulez. On ne les a pas, les médecins que vous cherchez, qui peuvent immigrer en France. On ne les a pas, ces ingénieurs-là que vous voulez. On les a quelques-uns. Mais vous ne les voyez même pas. Hein. Ce n'est même pas suffisant. Vous voyez. Donc l'ouverture au monde, moi je crois que ça doit être lié à... On revient encore à la question de l'école, à renforcer l'école, à former vraiment des gens compétents. Alors, à ce moment-là, les French Touch s'ajoutent. C'est à ce moment-là qu'on découvre les feelings, les French Touch, comme on dit. La touche française. La touche française. Voilà, la touche française. Voilà. Voilà, la touche française. Hein, la touche française. Hein? Vous voulez dire en fait que la langue française, c'est une passerelle, oui, pour accéder. Et maintenant, il faut une ouverture à le monde pour accéder à des compétences. Oui. Mais ces compétences, lorsque vous allez les... entre guillemets, lorsqu'on va les organiser, on va dire ça comme ça, parce que ça manque un peu d'organisation, elles seront en quelle langue alors? Du coup, on garde la langue française ou... Mais non. C'est ça le problème, je dis, là on, c'est là où on pose mal les problèmes. Un maçon, il parle qu'elle a, il sait construire des maisons. Hein? C'est ça la compétence. Pour construire une maison, on les construit. On ne parle pas, on les construit. Donc, la compétence, c'est qu'il faut former la personne pour qu'il soit capable de construire des maisons. Alors, un gars de Kinshasa, pour qu'il construise, pour qu'il apprenne bien à construire les maisons, tu lui montres comment construire les maisons à Lingala. Ça, c'est la chose. Là, il est maçon compétent. Il sait construire des maisons. Maintenant, à côté de ça, tu lui apprends le français. Parce qu'il est dans la zone d'influence du français. Et qu'il sait qu'avec mon français, je peux aller construire mes maisons en France, en Grande-Bretagne, hein, au Canada, en Belgique et tout ça. Donc, à ce moment-là, tu as affaire à un maçon compétent qui parle français. Mais si tu as quelqu'un qui est censé construire des maisons, mais qui ne construit pas des maisons, parce qu'on lui a expliqué ça en français, qu'il faut prendre ses briques et tu mets en dessous de celui-ci, et quand ça va se dioxyde, tu vas placer ceci. Et lui, il ne sait pas ce que ça signifie, c'est dioxyde. Hein? Il n'a pas compris ce que tu lui as expliqué. Donc, tu finis à avoir quelqu'un qui ne sait ni parler français, ni construire des maisons. Donc, quelqu'un d'inutile. Hein? Donc là, tu as affaire à quelqu'un d'inutile. Qui est ni important pour la francophonie, il amène rien à la francophonie parce qu'il ne sait pas construire des maisons, il ne sait pas parler français. Alors que si c'était qu'un maçon, avec un peu de français, il allait savoir construire des maisons, et avec son français, ça allait encore être mieux. Donc, parfois nous inversons les rôles de la langue, nous utilisons la langue comme si c'était l'objectif final, alors que la langue n'est qu'un moyen. Et on peut faire la promotion de la langue que si on l'utilise vraiment comme un moyen. pas comme un objectif. Par exemple, je disais par rapport au programme de français, aujourd'hui, à Kinshasa, le français, c'est la matière avec la pondération la plus élevée. Et un prof de chimie me posait la question, on forme des francophones ou des chimistes? Parce qu'un enfant qui est venu là pour apprendre la chimie, il met beaucoup plus d'importance à apprendre le français qu'à apprendre la chimie. En fin de compte, il ne connaît pas la chimie, il ne connaît pas le français. Ça, c'est le problème. Si on lui enseignait très bien le français d'un côté, et on lui enseignait très bien la chimie de l'autre côté, il aurait la chimie et le français. Mais quand on mélange les deux ensemble, il n'a rien. C'est ça un peu la problématique de la langue. Ce qui gêne aujourd'hui, moi je crois, parce que quand on parle de la francophonie, on ne parle pas du français. On ne parle pas du jeune français. Hein? On ne parle pas du jeune de la communauté française. On parle de ce qu'on pourrait attraper de l'extérieur pour les introduire dans la francophonie. C'est ça la francophonie. Voilà, donc on ne va pas demander à un jeune français d'aimer le français. Ça, c'est ce qu'il a. S'il n'aime pas ça, il a un problème de personnalité par rapport à lui-même. Hein? C'est ça sa langue. En principe, il devrait l'aimer. Hein? Parce que c'est la langue que sa maman lui parlait ou les gens qui l'aiment lui parlaient. Quand on parle de la francophonie, et si on veut rendre la francophonie forte, donc ça veut dire qu'on veut prendre les gens qui sont en dehors du français, les amener dans le français. Et là, il faut avoir une approche respectueuse et qui est productive, comme j'ai dit. Ça veut dire que supposer que cette personne, parce que c'est ça la réalité, ça peut-être j'ai risqué de me répéter, c'est ça la réalité. Les jeunes qui habitent Mbandaka, dans la province de l'Équateur au Congo, ne parlent pas français. Si tu veux l'intéresser au français, tu dois. Moi, je donne des cours de Lingala. Les gens viennent parce qu'il y a des intérêts. Quelqu'un dit, voilà, moi je vais apprendre le métier, mais si je connais le français, ça va me permettre de lire des livres, beaucoup de livres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres en Lingala. Si je connais en plus le français, ça me permettra de lire beaucoup de livres. Si je connais le français, ça me permettra de communiquer avec les étrangers qui arrivent au Congo. Donc, je peux développer mon business par rapport à ça. Si, vous voyez, donc il y a toutes ces raisons qui poussent une personne à décider de parler le français. Et quand vous avez plusieurs personnes compétentes qui utilisent le français pour leur ouverture au monde, à ce moment-là, le français trouve sa puissance. Mais si vous avez une bande des miséreux à qui on a soumis à une cure des Français qui n'ont même pas maîtrisé et qui n'ont même pas une compétence à offrir au monde, ça ne sert à rien, ça ne sert pas à la francophonie. C'est pour ça que moi j'ai parlé de la francophilie. Hein? Ça veut dire que créer la façon de promouvoir le français, c'est créer dans ces pays-là que nous, on continue, les gens de la francophonie, pas moi, continue à appeler francophones, comme le pays, le Cameroun, le Congo Brazza, le Gabon et tout ça, qui ne sont pas en réalité francophones, parce qu'il n'y a aucune langue, il n'y a pas une langue maternelle qu'on apprend à l'école. Hein? Une langue qu'on appelle maternelle, on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend à la maison ou au quartier. Voilà. Mais dans ces pays-là, ces langues-là, le français, on l'apprend à l'école. Ce n'est pas une raison. On pouvait dire, bon, à partir de maintenant, arrêtons tout le monde, celui qui parle Lingala, on l'arrête, on le tue, tout le monde dans la rue, vous parlez français. Hein? On pouvait imposer aussi, tuer tous ceux qui vont s'opposer, imposer la langue unique dans les rues et tout ça. Et Dieu sait que ça ne servira pas non plus à cause du français. La réalité est là. Donc, moi je pense qu'il faudrait... Merci. Merci, bienvenue chez Némon Gabas. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est moi qui vous remercie.